Et si tu m'aimes, mon amour, moi je t'aimerai toujours, Anthony. Tu es l'homme de ma vie. Et si tu m'aimes, mon amour, moi je t'aimerai toujours, Anthony. Tu es l'homme de ma vie. Mais tu offres ton cœur qu'à des hommes qui le rien. Et je compte trop pour toi, c'est ce que tu me dis tous les matins. Alors moi pour t'aimer, il ne me reste que ma voix. Pour te dire, je n'aime que toi, Lisa. Et si tu m'aimes, mon amour, moi je t'aimerai toujours, Anthony. Tu es l'homme de ma vie. Et si tu m'aimes, mon amour, moi je t'aimerai toujours, Anthony. Tu es l'homme de ma vie. Mais tu ne m'écoutes pas et tu embrasses d'autres garçons qui ne t'aimeront jamais autant que moi de toute façon. Peut-être dans 10 ans, en écoutant cette chanson, tu te souviendras d'un gars comme moi qui chantait je n'aime que toi, Lisa. Tu m'aimes, mon amour, moi je t'aimerai toujours, Anthony. Tu es l'homme de ma vie. Et si tu m'aimes, mon amour, moi je t'aimerai toujours, Anthony. Tu es l'homme de ma vie. Lisa. Oh, Anthony. Oh, Lisa. Anthony. Oh, Lisa. Oh, Anthony. Oh, Lisa. Anthony. Lisa. Anthony. Lisa. Anthony. Lisa. Anthony. Oh, Lisa. Anthony. Oh, Lisa. Oh, Lisa.